Comment connaîtrez-vous l'étendue de votre foi si elle n'est jamais éprouvée et si la seule solution consiste à vous en remettre à Dieu? Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les premiers disciples de Jésus-Christ ont eu à subir de cruelles épreuves. Certains ont tout perdu, leur maison, leur famille et même leur vie. Or, en dépit de persécutions aussi intenses, l'apôtre Paul exhortait les jeunes chrétiens à ne s'inquiéter de rien. Peut-être pensez-vous qu'aujourd'hui, il est impossible de vivre libre de toute anxiété, que le stress fait partie de l'existence et qu'on ne peut rien espérer de mieux que d'apprendre à vivre avec. Pourtant, nous avons auprès du trône du Père un allié, Jésus-Christ, qui sympathise avec nous. Nous découvrirons dans cette émission un moyen d'être libéré de l'étreinte de l'anxiété. Écoutez l'enseignement d'aujourd'hui où Charles Stanley nous explique comment vaincre toutes nos inquiétudes. Quand un épisode d'anxiété s'agrippe à vous sans avertir, comment réagissez-vous? Sentez-vous l'inquiétude et la peur monter en vous? Ressentez-vous de l'incertitude devant une situation délicate ou menaçante ou devant des rumeurs qui circulent? Comment gérez-vous votre anxiété? La réponse de Dieu à notre anxiété ne se trouve pas dans une bouteille ou un flacon. Elle ne consiste pas à faire porter le blâme à quelqu'un d'autre, ni à dénier le problème ou à faire un blocage. Rien de tout cela. Dieu est tout à fait au courant des défis qui vous font face. Il est le grand thérapeute et il vous enseigne la meilleure manière de régler le problème de l'anxiété dans votre vie. Il vous a donné des principes pour y parvenir dans sa parole. Dieu nous a révélé un de ses meilleurs principes dans l'épître de Paul aux Philippiens. Car l'apôtre Paul était souvent prise avec des situations génératrices d'anxiété et il savait bien comment réagir à cette condition. C'est pourquoi il nous fait part de l'enseignement suivant dans Philippiens chapitre 4, versets 5 à 11. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vivez pas dans l'anxiété. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui est en parfaite opposition à l'anxiété, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Commençons par réfléchir à l'identité de l'auteur de ces paroles. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est une chose de dire qu'on ne vit pas dans l'angoisse, mais c'en est une autre d'exprimer un sentiment de satisfaction devant une situation quand on écrit d'une prison, comme Paul le faisait. Nous pouvons aussi remarquer que l'apôtre Paul dit qu'il a appris à être content. Cela veut-il dire qu'il n'a pas toujours été content? Et quand il nous encourage à nous inquiéter de rien, cela veut-il dire qu'il n'était jamais anxieux? Oui, il l'était, mais il avait appris à être content de l'état où il se trouvait. Prenons par exemple le 7e chapitre de son épître aux Romains. Paul y parle de son combat contre le péché au verset 14 et 15. « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et au verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Pourtant, dans Galates, chapitre 2, verset 20, il affirme, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'apôtre Paul était comme nous tous. Quand Dieu l'a sauvé, il a sauvé un diamant merveilleux, mais encore à l'état brut. Il devait être ciselé sur plusieurs côtés pour pouvoir briller de tout son éclat. En écoutant le Seigneur parler à son cœur et lui enseigner, l'apôtre Paul a appris de la même façon que nous, à travers les épreuves, les difficultés et les échecs. Si donc, vous vous demandez, Paul était-il parfois inquiet? Nous devons nous rappeler que Paul écrit cette épître d'une cellule de prison romaine. En fait, une bonne partie de son épître aux Philippiens nous rappelle que la vie chrétienne doit être joyeuse et qu'il nous faut toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et il nous montre l'exemple en étant lui-même joyeux. Une chose est certaine, l'apôtre Paul avait appris quelque chose sur le bonheur et quelque chose sur la paix, ou alors il n'aurait jamais écrit ces choses de la prison où il était enfermé à cause de sa foi chrétienne. D'autre part, il pouvait aussi parler de ses inquiétudes, car il avait vécu des expériences périlleuses à maintes reprises durant sa vie. Rappelons-nous que l'anxiété est une émotion ressentie devant l'incertitude d'une situation. Nous pouvons conclure que l'apôtre Paul avait également appris quelque chose sur l'anxiété. Quand nous révisons quelques situations pour le moins incertaines au cours de sa vie, mais néanmoins permises par Dieu. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les soucis et les inquiétudes n'avaient rien d'inhabituel pour Paul. Et que dire de cette vie parsemée de périls et de dangers en tout genre? Quand nous lisons le compte-rendu de ses aventures dans le livre des Actes, on peut conclure que sa vie chrétienne est remplie de moments d'anxiété. Et si j'avais vécu dans les mêmes conditions, j'aurais décrit ma vie comme un état permanent d'anxiété, considérant toutes ces occasions où on a voulu le lapider et l'assassiner partout où il allait. Or, malgré toutes les fois où sa propre sécurité s'est vue compromise, un de ses plus grands fardeaux et une des choses qu'il troublait le plus était son souci pour les églises. Penchons-nous un peu sur les causes de cette inquiétude. L'apôtre Paul arrivait dans une ville, il y fondait une église et commençait à enseigner aux gens la vérité de la parole de Dieu. Il les aidait à avoir la victoire sur leur chair et à réaliser que le salut de Dieu venait de la seule foi en sa grâce et non pas de la foi en plus des œuvres. Cependant, certains intégristes juifs arrivaient de Jérusalem ou d'ailleurs et disaient aux nouveaux convertis à la foi chrétienne « Oui, bien sûr, vous devez croire en Jésus-Christ, mais en plus vous devez y ajouter l'observance de la loi juive. » Car les juifs étaient convaincus que, pour plaire à Dieu, une stricte observance de la loi de Moïse était essentielle. Ce n'est pas que l'apôtre Paul voulait annuler la loi ou la rendre caduque, mais il voulait en spécifier les caractéristiques et les limites. Et parmi ces dernières, il insistait sur ce fait. La loi n'était pas indispensable au salut. Car quiconque fait confiance à Jésus-Christ comme son sauveur est libéré. C'est pourquoi il dit dans sa deuxième épître aux Galates, au chapitre 2, que les chrétiens ne doivent pas retourner à leur ancienne manière de vivre et à l'esclavage dont ils ont été libérés. L'apôtre Paul s'inquiétait en effet beaucoup, car, après son départ d'une nouvelle église, des groupes d'intégristes juifs arrivaient pour y enseigner toutes sortes de fausses doctrines. Et pour y parvenir, ils calomniaient l'apôtre Paul et le critiquaient pour que les nouveaux chrétiens les écoutent, eux, plutôt que d'obéir aux enseignements de l'apôtre Paul. L'apôtre avait donc de bonnes raisons de s'inquiéter. Nous pouvons alors nous demander comment il pouvait leur conseiller de ne s'inquiéter de rien. Je crois que Paul a lui-même beaucoup appris du Seigneur Jésus-Christ, même s'il ne l'a jamais rencontré quand Jésus était présent sur terre. Or, il avait probablement beaucoup écouté ceux qui avaient vécu avec lui, et il avait beaucoup appris ainsi. Or, il a probablement appris plus grâce à ses propres épreuves et difficultés que grâce aux enseignements. Et même aujourd'hui, si une personne désire grandir dans sa foi, elle devra se préparer à être jetée dans la fournaise de l'adversité, car c'est de cette façon que nous apprenons à faire confiance à Dieu. En effet, la manière de faire face aux difficultés, aux épreuves, sans éprouver d'anxiété, et d'être jeté au milieu de suffisamment de difficultés et d'épreuves pour être en mesure d'apprendre par l'expérience. Car c'est par l'expérience que nous sommes convaincus que Dieu nous accompagnera dans nos difficultés, qu'il ne nous laissera pas tomber et qu'il nous délivrera de n'importe quelle situation. Ce n'est peut-être pas la seule manière, mais cela fait certainement partie du processus d'apprentissage. Car si vous pensez être capable d'apprendre à faire confiance à Dieu simplement en lisant un livre, aussi bon soit-il, vous vous bercez d'illusions. Comment connaîtrez-vous l'étendue de votre foi si elle n'est pas éprouvée? Comment connaîtrez-vous votre force si elle n'est pas éprouvée? Comment saurez-vous si vous pouvez faire confiance à Dieu avant d'être dans une situation où le seul recours possible est de lui faire confiance? Relisons l'enseignement de l'apôtre Paul au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Selon Paul, voilà ce que nous devons demander à Dieu. Il est donc excessivement important de savoir comment régler le problème de l'anxiété. Et j'aimerais souligner pourquoi en énumérant quelques raisons. Premièrement, nous devrons tous apprendre à vivre avec l'anxiété au cours de notre vie. Car nous ferons face à diverses situations et circonstances, à de bonnes et de mauvaises nouvelles, qui généreront de l'anxiété sous une forme ou une autre, pendant pratiquement toute notre vie. Nous pouvons décider de nous y soumettre et d'en payer le prix, ou nous pouvons apprendre à maîtriser cette anxiété. Deuxièmement, l'anxiété possède une puissance destructrice. Apprendre à la contrôler est donc une question de survie. Réfléchissons quelques instants aux résultats négatifs de l'anxiété. D'abord, elle divise notre pensée, car lorsque nous devenons anxieux, nous éprouvons quelques difficultés à nous concentrer. L'anxiété enlève à notre pensée une partie de sa capacité. Nous sommes alors distraits et dérangés dans l'exercice de nos fonctions. Nous sommes tiraillés de toutes parts, et quand nous voulons nous diriger dans une certaine direction, l'anxiété nous ralentit car nous doutons. Troisièmement, l'anxiété aspire notre énergie. L'anxiété exige beaucoup de notre système nerveux, ce qui absorbe une partie de notre énergie. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer précisément pourquoi, mais nous ne nous sentons pas très en forme. Et bien sûr, notre productivité s'en trouve affectée. Nous fonctionnons au ralenti et nous semblons incapables de concentrer toute notre pensée sur la tâche à accomplir. Quatrièmement, l'anxiété exerce une influence sur nos relations avec les autres. Une personne anxieuse deviendra rapidement agitée et nerveuse. Elle aura tendance à avoir des sautes d'humeur, à critiquer et à blâmer son entourage. Elle deviendra tellement insatisfaite et énervée que personne ne voudra l'approcher. En fait, elle aura de la difficulté à s'endurer elle-même. L'anxiété non contrôlée coûte très cher. L'anxiété peut aussi nous affecter d'une autre manière. Elle peut nous inciter à prendre des décisions qui manquent de sagesse, car si nous devenons incapables de penser clairement, nous poserons des gestes regrettables. Dans certains cas, l'anxiété peut atteindre une intensité telle que notre capacité à prendre de bonnes décisions semble paralysée. La personne ainsi affectée aura tendance à remettre à plus tard les décisions à prendre ou le travail à faire. Et plus ces ajournements s'étireront, plus il deviendra difficile de finalement s'exécuter. Une fois ce cycle enclenché, le conflit intérieur devient de plus en plus intense, car la personne sait qu'elle devrait prendre une décision, mais elle en est incapable parce qu'elle a trop peur de commettre une erreur. Sa pensée, son cœur et sa vie sont de plus en plus appesantis par l'appréhension. Et progressivement, elle ne peut plus se débrouiller, car elle ne sait plus comment faire les choses, et ses réactions l'enfoncent de plus en plus dans un cul-de-sac. Il y a encore pire. La paix et la joie de vivre s'éteignent. On ne peut être heureux et en paix et angoissé en même temps. L'apôtre Paul saisit très bien cette incompatibilité, car dans le verset 6, il exhorte ses interlocuteurs à ne s'inquiéter de rien, car en conséquence, au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Or, l'anxiété peut rendre une personne insensible aux bénédictions de Dieu dans sa vie. Les circonstances peuvent être positives. Elle peut gagner beaucoup d'argent, être en santé et faire son chemin dans la vie. Tout baigne dans l'huile et tout se déroule comme prévu. Or, si elle vit des moments d'angoisse, les circonstances extérieures n'ont plus alors aucune importance. La personne ne peut pas vraiment profiter des bénédictions de Dieu et elle ne pourra le faire avant d'avoir réglé son problème d'anxiété. Dans ma propre vie, il m'est arrivé de connaître des périodes pendant lesquelles tout allait bien, mais je ne parvenais tout de même pas à trouver la paix à cause d'une anxiété dévorante. Je ne pouvais profiter des bénédictions de Dieu car quelque chose me rongeait de l'intérieur, et cela pourrait vous arriver à vous aussi. Mais l'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il avait de bonnes raisons de nous le dire. Je vous propose, dans les prochaines minutes, d'énumérer quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas laisser libre cours à notre anxiété. Il y en a beaucoup d'autres, mais voici les principales. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Comment l'apôtre Paul s'y prenait-il? Quelle solution avait-il découverte? Il nous suggère effectivement une solution dans le passage, mais si nous ne lisons pas attentivement, nous aurons tendance à penser qu'il doit bien exister une solution meilleure que celle-là. Penchons-nous sérieusement sur cette solution et essayons d'en voir les implications. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous pensez peut-être, essaie-t-il de me faire croire que je n'ai qu'à prier pour me débarrasser de mon anxiété? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Cependant, l'apôtre Paul nous enseigne que la prière joue un rôle essentiel dans le traitement de l'anxiété. Écoutez bien ce qu'il a dit, et vous obtiendrez la clé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne s'agit pas ici de dire « Seigneur, tu connais ma situation présente et je te supplie de m'en délivrer. Seigneur, change mes circonstances. » Ce n'est pas une bonne façon de combattre l'anxiété. Voici ce que l'apôtre Paul dit en réalité. Voici comment nous devons agir quand nous éprouvons de l'anxiété. Nous apportons nos sujets d'inquiétude devant Dieu. Au lieu de nous inquiéter, nous les apportons devant Dieu avec des supplications. Que signifie supplication? Il s'agit d'une confession claire et honnête. Et voici un exemple. « Seigneur, j'ai besoin de toi en ce qui concerne cette situation. J'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive. Aide-moi! » Par cette prière, nous exprimons un besoin. Beaucoup de gens pensent que, quand Paul mentionne les supplications et les actions de grâce, il parle de deux styles de prières différents. Il n'en est rien. nous pouvons très bien faire part de nos besoins à Dieu tout en le remerciant des choses qu'il a déjà faites pour nous. « Je viens à toi, Père, en te remerciant du privilège qui m'est accordé de pouvoir t'approcher. Je veux aussi te remercier, car je sais que tu m'aimes et que mon bien-être a de l'importance pour toi. Je viens devant toi avec la certitude que tu détiens le pouvoir de m'accorder la victoire dans cette situation. Je te remercie pour les promesses qui se trouvent dans ta parole et je me présente devant toi en m'appuyant sur elles. » Il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, Seigneur, je suis dans le pétrin, aide-moi !» Il est beaucoup plus important de s'approcher de Dieu en se basant sur ce que nous connaissons de lui. Voilà pourquoi tant de prières sont inutiles, car elles ne sont fondées sur rien. Elles ne sont fondées que sur des sentiments et sur des besoins. Or, lorsque nous nous approchons de Dieu, l'apôtre Paul nous encourage à faire connaître nos besoins à Dieu avec des supplications et des actions de grâce. En plus de ce passage de l'Épître aux Philippiens, nous pouvons nous rappeler de ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, les versets 15 et 16. Quand nous nous trouvons dans une situation délicate, car nous avons avec nous un allié, Jésus-Christ, pour nous approcher de notre Père céleste. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, car il a été comme nous tenté en toutes choses. Nous pouvons donc nous approcher du trône de grâce avec confiance, en sachant que nous avons le privilège d'y trouver de l'aide en cas de besoin. Oui, nous pouvons nous approcher du Père en lui disant « Seigneur, je ne sais quoi faire dans cette situation. Je ne sais pas comment réagir à cette circonstance. Je viens à toi en te rendant grâce, car je sais que tu m'écoutes. J'en ai la certitude. » Que devez-vous faire lorsque l'anxiété frappe? Vous tournez vers le Père, car il faut faire bien attention. Si vous êtes aux prises avec l'anxiété, votre réaction naturelle sera de vous concentrer sur la cause de cette anxiété. C'est une très mauvaise réponse. Que suggère Paul? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Présentez-vous devant Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce et en toute confiance. Remerciez-le parce que vous avez confiance en lui. Vous savez qu'il vous aime et qu'il a votre bien-être à cœur. En plus, il possède toute la puissance requise pour vous tirer de n'importe quelle situation. Il vous aidera, il vous délivrera et il pourvoira à tous vos besoins. C'est pourquoi, pendant votre temps de méditation, vous ne pouvez pas séparer la prière de la lecture des Saintes Écritures. Où la prière trouve-t-elle sa force réelle? Comment peut-elle fonctionner? Votre prière sera efficace dans la mesure où vous connaissez la parole de Dieu et la nature de Dieu. Jésus lui-même nous a fait cette merveilleuse promesse dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous savons qu'il est auprès de nous en tout temps, qu'il est fidèle. Il veut nous entendre. Il nous aime inconditionnellement. Jésus-Christ est en tout temps auprès de nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit qui habite en nous. Et il nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Or, nous devons savoir qui Dieu est et ce qu'il a promis. » L'apôtre Paul nous conseille de remettre notre anxiété entre les mains de Dieu. Rien ne nous oblige à supporter sans secours notre anxiété, mais avec des prières, des supplications et des actions de grâce, approchons-nous de Dieu. Faisons-lui connaître nos requêtes. Apportons-les-lui, et le Dieu de toute puissance répondra. Il nous donnera une paix qui surpasse toute compréhension et toute explication. Cette paix sera tellement rafraîchissante et réconfortante qu'elle protégera nos pensées. Elle vaccinera notre cœur contre l'anxiété. Et quand l'anxiété surgira, elle n'aura plus d'emprise sur nous. Nous n'aurons plus à nous plaindre. Nous n'aurons plus à nous soumettre à elle. Nous n'aurons plus à nous énerver. Nous n'aurons plus à bouder Dieu ou quelqu'un d'autre. Nous pouvons gérer notre anxiété en l'apportant devant le trône de grâce du Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est le seul à savoir comment y répondre parfaitement. Si nous suivons le conseil de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous pouvons prévoir les conséquences suivantes au verset suivant. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix nous soutiendra, abritera nos pensées et nous protégera de l'anxiété. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons qu'à soumettre notre vie au Seigneur Jésus-Christ et à confirmer cette soumission chaque jour de notre vie. Et si nous avons la sagesse de marcher en accord avec la volonté du Père, en lui permettant de nous faire ressembler à son Fils, il permettra des situations pour lesquelles nous aurons besoin de son aide, afin qu'il puisse nous montrer ce qu'il peut faire pour nous. Dieu permet en effet des temps difficiles dans notre vie pour pouvoir nous démontrer son amour. Et si nous fixons notre pensée sur notre Père en dépit des circonstances de notre vie, nous pouvons être certains qu'il sera auprès de nous pour nous protéger, nous guider, pourvoir nos besoins et nous démontrer son immense amour. Existe-t-il un plus grand privilège que celui de vivre avec un Père qui a nos meilleurs intérêts à cœur à chaque instant, quand nous dormons, quand nous sommes éveillés, quand nous sommes au travail et quand nous nous détendons? Dieu est avec nous en tout temps. En ce qui me concerne, je ne voudrais vivre d'aucune autre manière, sous aucun prétexte, car la vraie vie est en Jésus-Christ. Votre pensée est-elle centrée sur Dieu ou sur les causes de votre anxiété? Charles Stanley nous a rappelé que si notre attention ne repose pas sur le Seigneur, nous serons constamment victimes de sentiments d'angoisse. Toute anxiété disparaît quand nous nous rappelons que Dieu a le contrôle de tout et nous pouvons renouveler notre force dans ces versets d'Ésaïe, chapitre 41, versets 12 et 13. « Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien ». Je viens à ton secours. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.